Une personne qui vote et qui choisit un législateur en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que celui qui vote, il vote pour nommer quelqu'un qui va légiférer en dehors d'Allah. Qu'il soit président, qu'il soit parlementaire, élection législative, législation en France présidentielle, nommer le président, législative, alors tu nommes législative, ça veut dire quoi? Pour légiférer, pour faire des lois. Tu nommes un député qui va légiférer à ta place au Parlement. Tu le nommes. T'as associé à Allah, subhanahu. Celui qui fait ça et qui sait la réalité de ce qu'il fait, c'est-à-dire il sait cette chose-là, il devient mouchrik. Il sort de l'islam. Il associe à Allah, subhanahu. Quant à celui qui ignore la réalité des élections, il ignore que les élections, c'est du shirk à Allah, azzawajal, dans le jugement et la législation. Celui-là, il est excusé par l'ignorance de l'État, jahl, c'est-à-dire on le rend pas mécréant. Il vote, on le rend pas mécréant, hatta ya'allam, jusqu'à ce qu'on lui enseigne, jusqu'à ce qu'on lui dise, mais tu sais que quand tu votes, là, tu nommes un législateur en dehors d'Allah. Tu nommes quelqu'un qui va s'opposer à Allah, qui va rendre permis ce que Allah a interdit, qui va interdire ce que Allah a permis. Et toi, c'est toi qui lui as donné ta voix. Tu es responsable de tout ce qu'il fait. D'accord? Quand tu votes pour le député, et que le député vote pour l'interdiction du hijab, t'es responsable. Quand tu votes pour le maire, et que le maire c'est lui qui donne l'autorisation pour les bars d'ouvrir, ils te disent oui mais c'est lui qui va nous donner une mosquée. Non, ça rien. Mais lui aussi va donner l'autorisation pour les bars, dans lesquels les gens ils vont boire de l'alcool, ils vont écouter de la musique, ils vont faire zina, etc. etc. Donc toi t'as été quoi? T'as été complice de tout ça. T'es complice de l'alcool, t'es complice de la zina, mais avant tout t'es complice du shirk. Istihlal maharram Allah, rend permis ce qu'Allah a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-An'am, dans sourate 6, le verset 121, wa in ata'tumuhum innakum la mushrikoun. Si vous leur obéissez, c'est-à-dire aux lois des mushrikis, vous serez vous-même des mushrikoun. Celui qui vote, en connaissance de cause, est un mushrikoun. والدليل قوله تعالى يا لافين يجي على فين الشيخ محمد العباد من الصورة الثلاثة إلى بخاف هذه على بخاف دولا دولا obligation دولا مكرانس الطاغوت la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يجي الله سبحانه وتعالى من سورة dans la sourate Al-Baqarah, le verset 256, pas de contrainte en religion. Car la guider, c'est clairement différencié de l'égarement. On se dit quoi? Donc celui qui mécroit au Tarot et qui croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah est celui qui entend et il est le savant. Et ensuite il dit, وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Et ceci, c'est le sens de la ilaha illallah. Ça veut dire quoi? Le kufr de Tarot, ou même. Ce qu'on vient de dire là, le fait de me croire à tous les Tarot sous toutes leurs formes, adoration, suivi, obéissance, jugement, etc., c'est la ilaha illallah. Ibn Kathir, il dit à propos de ce verset, أي من خلع الأنداد والأوثان وما دعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله وحده ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على طريقة المثلى والصراط المستقيم. Il dit, quant à celui qui s'est débarrassé de l'andad et de l'authan, des semblables qu'on donne à Allah, qui s'est débarrassé des idoles, et de tout ce à quoi le shaitan appelle, parmi l'adoration de notre qu'Allah et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et celui qui a unifié Allah, qui l'a adoré seul, et qui a témoigné que nul n'est en droit d'être adoré sauf lui, celui-là, il a saisi l'anse la plus solide. Ça veut dire, elle a affermi sur son ordre, et elle a été droit sur la bonne voie d'Allah, et sur le droit chemin, le sirat al-mustaqim. Et il finit sa risala, et ainsi on aura fini l'usul al-thalatha, wa fil hadith, ra'sul amri l'islam, وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Et dans le hadith, la tête de cet ordre-là est l'islam. La tête de toute chose, c'est l'islam. وعموده الصلاة. Son pilier, sa colonne, c'est الصلاة. Alors celui qui délaisse la salat, un édifice qui repose sur une colonne, l'édifice, il fait quoi? Il tombe. On est d'accord? Et ensuite, il dit, وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et son plus haut niveau de l'islam, c'est quoi? C'est le jihad fi sabili Allah, la lutte dans le sentier d'Allah. Et il finit en disant, Allahu a'lam, et Allah est le plus savant, يُفَوِّدَ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ يُفَوِّدَ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. Et qu'Allah prie sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. نسأل الله يرحم الشيخ ونسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا ووفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم أهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.